On a mis un pied, y'a plus moyen de le sortir. Je vais mettre le deuxième, je suis prêt pour la sortie. J'ai vu pas mal de choses, j'ai appris, j'ai compris que la vie n'est qu'une partie à vivre. J'ai endossé le maillot, j'ai mis des petits ponts. J'ai joué le voyou, je parlais comme un petit con. Mais j'ai écarté les histoires, j'ai préféré Mario rap, le seul qui venait me bercer le soir. C'est ensemble qu'on a voulu avancer. Je finis seul, tant pis, on sait comme c'est. À 13 ans, j'ai rimé, j'ai juré que j'écrirais un album que le rap pourra mériter. À partir de là, c'était les filles, quelques flics, la musique et nos vies qu'on vient raconter. Laisse tomber les cartes, on les brûle et on bûche, on abuse, je veux que maman me voit avancer. Ever since I was a little child, I've always dreamed of it. There was the lullaby which brought me up alive. And I feel the rhythm of this kind of love. Don't you let me catch my shooting star. De linceul, certains frères sont partis trop tôt. Un rappel pour ce cercueil que t'appelles la moto. Paix à leurs âmes, j'espère que ça servira de leçon à certains potes qui ont ça dans la peau. La vie est parfois dure, mais elle reste juste. C'est ce que je pense, j'en suis sûr, Dieu seul nous juge. On aura le temps de la vivre, ou peut-être pas, de derrière la vitre. On en aura toute une entrevue. Je laisse couler l'encre, rien à battre. Tant que les souris rentrent, quand les frérots font courir la bague. Je remercie toutes les personnes que j'ai fréquentées, tous les gars qui sont là et qui me font avancer. Grâce à vous que je suis ici, que je perds pas l'inspi, que j'avance, que j'insiste, je représente ma ville. Si la foule leur demande, j'ordonnerai, t'as vu. Je suis comme ça, je suis en manque, si je rappe pas, j'avoue. Since I was a little child, I've always dreamed of it. There was the lullaby which brought me up alive. Hey. My shooting star. Hey, 2006. C'est mon voix. Venez pas abattre nos rêves. No. On lâchera pas. Look at me, boy. You must know life is not a game, but thanks to Lord, your son is woman of your world. Boy, singing it up, I'm singing it up. You know, since I was a little child, I've always dreamed of it. There was the lullaby which brought me up alive. And I feel the rhythm of this kind of love. Don't you let me catch my shooting star. J'ai mis la France sur écoute. J'utilise la rime, tenter les oreilles. Je fais passer mon message, tout ça grave, tout s'achète, merde. Je crache la déprime, je vis avec mes peines. Authentique et instable, en cabache, la vie dans les thèmes.